Bonsoir, Marie-Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il fut sans conteste le grand penseur de l'archéologie, du moins celui de la seconde moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, nombre de préhistoriens se revendiquent de son héritage, de son école. 30 ans après sa disparition, le magazine d'archéologie de France Culture se penche sur André Leroy-Gourhan, son œuvre, son approche. Ce soir, Carbone 14 plonge non pas dans les archives du sol, pour reprendre une de ses expressions, mais dans les archives du son, une archéologie sonore rendue possible grâce au trésor fouillé dans l'extraordinaire fond de l'INA. Deux volets seront donc consacrés à sa recherche, celle d'un ethnologue, d'un anthropologue, d'un préhistorien, d'un paléthnologue, avec une émission sur l'art, l'art des origines et de la préhistoire, une autre sur l'ethnologie et la préhistoire au travers de l'homme et de ses techniques. Au-delà de simples archives, il nous paraissait indispensable de percevoir sa pensée à la lumière d'aujourd'hui. Boris Valentin, bonjour. Bonjour. Jeune professeur de préhistoire à la Sorbonne, l'université de Paris 1, vous avez notamment co-dirigé les fouilles qu'André Leroy-Gourhan avait initiées, celles de Pincevent. Comment définiriez-vous ce chercheur ? Ethnographe, ethnologue, archéologue et préhistorien, ou tout simplement anthropologue? Je le définirais comme surtout ethnologue et ethnographe. Ethnologue au sens où on entendait l'ethnologie à son époque, une science totale de l'homme, y compris dans ses dimensions biologiques. Ethnographe car c'est quelqu'un qui a accordé énormément d'importance à la construction du fait, à l'observation des faits, avec des allers-retours permanents dans sa carrière entre ce qu'il appelait lui-même les approches intensives, l'ethnographie, et les approches extensives, l'ethnologie. Anthropologue un peu tout de même, au sens où on entend l'anthropologie comme théorie des sociétés, mais ça n'est peut-être pas le stade suprême d'élaboration au-delà de l'ethnologie, la mise en cohérence de toutes les observations, de toutes les réflexions ethnologiques. C'est une dimension qu'il atteint dans le geste et la parole. Mais pour revenir à la fin de sa vie à, presque l'ascèse de l'ethnographie préhistorique, puisque c'est cette dimension-là qu'il explore le plus dans les dernières années. Boris Valentin, on écoute André Leroy-Gourhan qui se raconte en 1973 sur France Culture. En réalité, ça a commencé vers 12 ans. J'avais un grand-père qui était naturaliste amateur et j'ai parcouru les grottes et les rochers de la forêt de Fontainebleau pendant plusieurs années avec ses vieux amis qui étaient les membres de la Société des naturalistes de la Vallée du Loing. Et c'est là que qu'a commencé à s'esquisser mon goût pour la préhistoire, pour le passé. Et mes études se sont orientées dans un sens tout à fait différent, puisque j'envisageais à l'époque de faire la carrière consulaire et qu'il m'avait été conseillé de faire du chinois et du russe pour m'armer dans ce genre d'existence. J'ai quand même fait le certificat d'ethnologie qui venait d'être créé à la Sorbonne en 1932 ou 1933. Et j'ai transformé mon armement linguistique en un outil de recherche. Je me suis intéressé à ce moment-là aux populations de la Sibérie qui étaient accessibles à travers la langue russe, et de la Mongolie et de la Chine qui étaient accessibles à travers le chinois. C'est un peu comme ça que je suis devenu ethnologue, quoique je ne me sois pas servi d'une façon considérable de ces atouts dans le déroulement de ma carrière. C'est la fin de la guerre, qui a marqué ma dernière orientation, je me suis trouvé, après la libération, nommé professeur d'ethnologie à l'Université de Lyon. Et un peu par nostalgie des maquis que j'avais fréquentés, j'ai rassemblé les quelques étudiants que j'avais et je voulais leur donner une expérience de terrain. Une expérience de terrain, ça n'était réalisable avec les moyens financiers dont disposait l'enseignement universitaire que sur le territoire métropolitain, car il m'aurait été impossible d'emmener une douzaine d'étudiants et de payer leurs frais de voyage. De sorte que je me suis tourné à la fois vers l'ethnologie et vers la préhistoire française, ce qui a constitué peut-être le meilleur instrument de formation dont pouvait disposer de jeunes ethnologues, en leur dictant une première prise de conscience de leur propre réalité ethnique. Alors, pendant presque une vingtaine d'années, j'ai promené chaque année un groupe dans une enquête qui se déroulait tantôt en Normandie, tantôt en Bretagne, tantôt en Auvergne. Voilà en gros quel a été le déroulement de mon activité au cours de ces 30 dernières années. Boris Valentin, on a vu André-Laurent Gourand, ethnographe au Japon, notamment chez les Aïnous. Sa thèse est d'ailleurs consacrée à l'archéologie du Pacifique Nord. On le verra aussi anthropologue biologique, puis préhistorien. Mais son fil conducteur sera les techniques au travers de deux ouvrages précoces, L'homme et la matière en 1943 et Milieux et techniques en 1945 ? Je pense que ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est l'éclectisme incroyable de ce personnage, qui est à la fois l'éclectisme de l'autodidacte. Laurent Gourand n'avait pas le baccalauréat. Et aussi l'éclectisme du savant des Lumières, hein, car c'est un peu ce genre de modèle auquel on pense. Et dans cet éclectisme, effectivement, le fil directeur, ça va être les techniques comme objet d'étude. Je dirais aussi l'aspect très pratique de sa recherche et de son enseignement, jusqu'au bricolage. On a entendu dans cet extrait comment il construit une école d'enquête et de fouilles juste après-guerre. Donc un fil directeur, je reviens à l'étude des techniques, qui remonte sans doute à son adolescence, où il fréquente les puces de Paris, et il acquiert des objets ethnographiques qu'il met en fiche. Ensuite, l'enseignement de Mauss, qu'il va aller suivre à l'Institut d'ethnologie. Donc ça, c'est sa formation initiale, une description systématique et raisonnée des techniques. Il y a un autre moment très important, je pense, dans sa formation intellectuelle, autour des années 1940, c'est la lecture de Bergson. Et là, il va pas changer de paradigme, mais s'intéresser à un autre paradigme, on va dire plus philosophique, après Mauss, après un paradigme plus sociologique, ça sera un paradigme plus philosophique, et qui lui permettra aussi d'articuler ces enquêtes systématiques sur les techniques avec toute une réflexion sur l'anthropologie biologique, la part biologique dans l'histoire de l'humanité, renouant avec sa passion aussi pour les sciences naturelles, articulée aussi avec une réflexion sur l'esthétique et qui lui permet aussi l'esthétique dans les techniques, le design, pour faire très bref, et qui lui permet aussi de renouer avec ses premières amours d'orientaliste, puisqu'il a commencé là-bas, à l'Institut des langues orientales, par l'étude du chinois et du japonais, et un intérêt aussi pour les formations artistiques de l'extrême-orient. Alors l'affiche paraît extrêmement importante, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, il découvrira même les fiches perforées, on a des témoignages là-dessus. Les fiches, et d'ailleurs les choses paraissent assez claires, Marcel Mauss lui lèguera donc son meuble affiche. C'est ce que la rumeur rapporte, oui, dans un testament que Marcel Mauss écrit dans les années sombres, dans les années 1940, quand il est pourchassé et il lègue, c'est notre collègue Nathan Schlanger qui a découvert ce testament, il lègue son fichier à l'armoire à fiches, à Laurent Gourand. Non, oui. Pas les livres. Non, pas les livres. Il s'agit en tout cas d'une œuvre qui couvre l'ensemble des techniques. Le côté universel est absolument capital. Absolument, le côté universel et le côté systématique, c'est une véritable méthode de classement. C'est, je pense donc à son ouvrage, donc L'homme et la matière, hein, publié au sortir de la guerre, avec un tableau de classification universel, un peu comme le tableau de Mendeleïev. Hein, c'est ce principe-là, une systématique prenant en compte les matériaux d'une part et d'autre part les gestes humains. Pour classer toutes les techniques. On est face vraiment à une école française d'ethnologie des techniques. Il faut peut-être signaler qu'il y en a d'autres. On a eu Théodore Monod en 1928 qui s'intéresse sur des cas un peu plus précis, mais on aura aussi Audricourt qui fera aussi une véritable œuvre. Je pense que tout ça, c'est quand même l'héritage de Marcel Mauss, hein, par des voies parfois indirectes. Hein, mais c'est Marcel Mauss qui est l'initiateur de la technologie au sens fort et propre du terme, d'études raisonnées des techniques. Les archéologues connaissent bien l'effondrement des sociétés, c'est même pour partie leur fonds de commerce. L'ethnologue aussi voit mourir les cultures. André Leroy-Gourhan s'en inquiète dans une très ancienne archive. Mars 1948, il traite de la mort des peuples et des civilisations dans l'émission intitulée « Heure de culture française ». S'il est un point sur lequel aucune illusion n'est possible, c'est bien celui de la mort des peuples. Il suffirait de faire un bilan rapide pour l'Occident depuis l'Antiquité, ou simplement de compter les centaines de peuples qui sont morts depuis la fin du Moyen Âge. Cette mort n'implique pas forcément celle des individus, ni celle de toutes les traditions, car les portions importantes survivent, mais elle implique la dissociation définitive de tout l'ensemble des traditions religieuses, sociales, esthétiques et même techniques qui forme, comme nous l'avons vu, la personnalité du peuple. Les épisodes de cette mort sont pratiquement toujours les mêmes. Le peuple succombe à la pression d'un groupe en pleine vitalité. Il est appelé à faire les frais économiques de cette curieuse association qu'on nomme une civilisation. Et toute la gamme des degrés d'appropriation s'offre à lui. L'intégration dans le territoire du vainqueur, la colonisation, ou le régime des zones d'influence. L'intégration, qui respecte le plus souvent les individus, est le plus souvent mortelle pour le peuple que le vainqueur soumet à une dissociation interne systématique. La colonisation a des conséquences variables. Si le colonisé est sain et vigoureux, il résiste passivement, assimile le meilleur de ce qu'on lui offre et se reforme une personnalité. S'il est malade ou trop faible, il subit une dégradation qui peut être totale. Comme cela s'est produit pour des centaines de petits peuples depuis que l'Occident s'est mis en marche, le processus de colonisation peut se terminer avec la disparition du dernier survivant colonisé. On peut se demander s'il y a chez les peuples des états comparables à ce qu'on nomme maladie chez les individus. Je crois que sans hésiter, on peut répondre par l'affirmative. Si l'on considère l'équilibre comme l'état normal, on constate qu'il tient toujours à une certaine harmonie des échanges entre tous les secteurs de la tradition. Si l'on considère le progrès des techniques, du bien-être matériel, comme le signe d'une bonne santé chez les peuples, on constate que le progrès technique s'accompagne toujours une activité équilibrée dans les autres domaines, politique, société, religion, esthétique, fleurissent aux périodes de prospérité technique. À l'inverse, lorsqu'un peuple fait de la température, c'est le thermomètre technique qui accuse son déséquilibre. Nous ne saurions analyser tous les domaines, et c'est l'état technique qui peut nous guider rapidement dans la pathologie des peuples. Un premier type est celui des peuples frappés de stagnation technique. Les exemples sont nombreux de groupes humains, parfois très importants, qui traversent de longues périodes où leur culture matérielle ne fait que des progrès insignifiants. Il y a plusieurs causes à cet état qui les mettent en infériorité par rapport au mouvement général. La première cause de stagnation tient à la cristallisation du milieu mental. Quelques groupes, très rares, comme les indigènes d'Australie, paraissent sclérosés. Ils ont vécu jusqu'à nos jours l'âge de la pierre, et ils s'éteignent sans espoir d'amélioration de leur culture propre. Cela ne veut pas dire que les individus soient totalement incapables d'adaptation, mais la communauté, elle, a une structure inadaptative. Elle se disloque plutôt que d'évoluer. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Boris Valentin, une archive de 1948, un peu sonore, un commentaire ? C'est extrêmement daté. On retrouve le fil directeur de la, des techniques à la fin. On retrouve aussi cette espèce de pessimisme de Leroy Gourhan. Alors c'est aussi le pessimisme de l'après-guerre, hein, bien sûr. Leroy Gourhan à l'époque occupe une chaire d'ethnologie coloniale à Lyon. Il n'est pas du tout à l'avant-garde du combat anticolonialiste, mais il assiste à la dissolution de l'Empire français. Et animé par son humanisme chrétien, il encourage les futurs administrateurs des colonies qu'il forme au respect des traditions et des cultures. Voilà le commentaire que j'ai à faire sur cet archive qui est quand même assez... désuète. Hein. Désuète. En tout cas, il a déjà été chez les Aïnous, au Japon. Il parle de stagnation technique, hein, ce qui n'est pas intéressant, pas inintéressant. Il parle aussi déjà de culture matérielle. Culture matérielle, c'est, vous savez, c'est un terme. Je ne suis pas sûr que Leroy Gourhan aurait. Je ne sais pas s'il l'emploie ce terme, mais c'est un terme qui a été largement récusé par ses successeurs ethnologues, car c'est un terme, redondant. La culture est tout à la fois matérielle et idéale. Les deux sont étroitement intriqués, et je pense que toute l'œuvre de Leroy Gourhan le montre, hein, que ce qui est culturel est forcément matériel. Donc je ne suis pas sûr que je ne sais pas s'il l'a employé ce terme. En tout cas, ses successeurs ethnologues ne le revendiquent pas. Ethnographe ou ethnologue, Leroy Gourhan va devenir de fait préhistorien, et il va mettre en place une recherche à la croisée de l'ethnologie et de l'ethnographie et de l'archéologie. Il va appeler ça la paléthnologie. Alors, paléthnologie, c'est un terme qui existe depuis bien longtemps, depuis les années 1850-1860. On a même hésité à un moment donné à nommer ce qu'on appelle aujourd'hui la préhistoire paléthnologie. Donc ça, c'est l'ethnologie ça s'enracine. Donc ce terme s'enracine dans l'ethnologie telle qu'elle est conçue au XIXe siècle, qui est une science totale de l'humanité. Et Leroy Gourhan se revendique de ce paradigme. L'archéologie préhistorique n'étant qu'une branche finalement de l'ethnologie. C'est l'ethnologie la plus ancienne. Et Leroy Gourhan va s'inscrire dans la continuité de ce paradigme. Encore une fois, donc, la préhistoire, l'archéologie préhistorique, c'est une façon de faire de l'ethnologie sur les peuples disparus. Après, il va renouveler fondamentalement, totalement, s'il s'inscrit dans ce paradigme, il va en renouveler totalement les méthodes et les démarches. Auparavant, l'archéologie préhistorique était peut-être plus naturaliste. Oui, elle était plus naturaliste et puis elle manquait de méthode. Leroy Gourhan, c'est, deuxième grande révolution méthodologique du XXe siècle en archéologie préhistorique après Breuil. On écoute André Leroy Gourhan évoquant ses premières fouilles à Arcis-sur-Cure, en Bourgogne. Et alors, et la préhistoire ? La préhistoire a commencé, je veux dire, c'est d'abord Arcis-sur-Cure et les grottes d'Arcis-sur-Cure dans lesquelles vous avez mis au point votre technique de fouille. Oui, c'est-à-dire que la préhistoire, et l'enseignement. La préhistoire a commencé tout de suite après la libération, après ma première année d'enseignement universitaire. Je suis parti dans la région de Mâcon avec un groupe d'étudiants. Nous avions à ce moment-là, pour tout équipement, une voiture à bras et quelques pelles et pioches. Nous avons parcouru le Mâconnais un peu à la manière des Tziganes, jusqu'au jour où nous avons trouvé une grotte qui est la première que j'ai fouillée avec eux. Et les années suivantes, je me suis orienté sur Arcis-sur-Cure, dans Lyon, qui constituait un terrain beaucoup plus riche et beaucoup plus susceptible d'exploitation que les sites du Mâconnais que j'avais à l'époque utilisés. Et c'est là que, petit à petit, par essai et erreur, nous avons mis ensemble, avec mes étudiants, une technique de recherche qui semble avoir fait ses preuves depuis. Beaucoup de préhistoriens, pendant fort longtemps, et il serait difficile de dire que ce soit complètement disparu à l'heure actuelle, a été plus proche de l'écarissage que de la dissection. Et j'ai essayé d'appliquer la dissection, même en exagérant la recherche de la précision, et de faire un enregistrement aussi minutieux et précis que possible de tous les détails des structures enfouies dans le sol, de faire de la fouille elle-même l'acte principal de la recherche préhistorique, et par conséquent, de mettre le préhistorien en état de devenir un paléo-ethnologue. Une archive de France Culture de 1973, Boris Valentin, alors écarissage ou dissection? Je crois que là, le roi Gouron résume par une de ses formules magiques, car puissamment humoristique, donc qui s'imprime dans la mémoire. Cette deuxième révolution méthodologique du XXe siècle dans l'archéologie préhistorique, et plus généralement, je pense, dans l'archéologie tout court. Alors, quand il dit la fouille acte principal, le roi Gouron ne citait jamais ses prédécesseurs. Ses bibliographies dans ses ouvrages sont réduites à la plus simple expression. Et là, il exagère un tout petit peu. La première évolution méthodologique, début XXe siècle, c'est l'abbé Breuil. Et la fouille devient, avec l'abbé Breuil, l'acte principal. Le préhistorien désormais fouille et ne reconstitue pas de façon abstraite et théorique l'évolution de l'humanité, comme faisait Gabriel de Mortillet à la fin du XIXe siècle. Donc, il faut rendre à César, à Breuil, ce qui appartient à Breuil, fouille acte principal. Et rendons à le roi Gouron ce qui lui appartient, le passage de l'écarissage, c'est-à-dire des méthodes de fouille très grossières, hein, selon les standards qui ont été redéfinis par le roi Gouron. Et ces standards, c'est ceux de la dissection presque chirurgicale, donc d'une approche extrêmement fine et intime du terrain pour en extraire tout ce que l'on peut espérer extraire pour reconstituer précisément des modes de vie préhistoriques. Donc c'est ce qui va s'élaborer à Arcis. En équipe, ça aussi, c'est un tournant important. L'archéologie préhistorique devient un travail d'équipe, un travail collectif. Et c'est ce qui ensuite trouvera sa pleine expression sur le site de Pinzoin. Justement, j'ai à deux reprises croisé André Laurent Gouron, dont une fois sur son site préhistorique de Pinzoin, qui reste un site très expérimental. Pinzoin, c'est une aventure merveilleuse. On dit parfois, c'est le Pompéi de la préhistoire, un site qui est parfaitement scellé, non pas par des cendres volcaniques, mais par les alluvions de la Seine près de Montreux. Donc un site où on lit à livre ouvert la vie des Magdaléniens qui l'ont occupé il y a 14 000 ans. Tout est en place. Hein. Et le roi Gouron, donc, y est appelé en urgence. C'est une fouille préventive au départ, en 1964. Et il va pouvoir, après avoir expérimenté, tâtonné, par essai-erreur, dit-il, je crois qu'on l'a entendu là-dessus à Arcis, il va pouvoir appliquer ces méthodes dans un véritable laboratoire de recherche, vous avez dit expérimental. Dans mon ami François Bon dit aussi qu'on pourrait considérer ces sites du bassin parisien comme des oasis documentaires, tellement ils sont exceptionnels à l'échelle de la préhistoire. Et là, ça va être cette rencontre merveilleuse entre une méthodologie de pointe pour l'époque et qui reste de pointe aujourd'hui, et des sites d'exceptionnelle qualité. Ce sera notamment la découverte d'une première cabane, l'habitation numéro 1, ensuite la section 36, qui reste des ouvrages vraiment de référence aujourd'hui. Des ouvrages de référence pour le programme qu'il dessine, le contenu, c'est normal, heureusement, il y a eu un progrès des sciences depuis. C'est la période justement où le roi Gouran revient à cette espèce d'humilité de l'ethnographe, hein, cet enregistrement, cette construction extrêmement minutieuse du fait. Donc il nous dessine un programme pour cela et que nous avons essayé, autant que faire se peut, de suivre et de combler par des résultats. Hein. Après, je pense aussi que la section 36 en particulier, c'est un ouvrage qui a créé une véritable onde de choc dans toute l'archéologie, bien au-delà de la préhistoire. Un archéologue en chaussures de sécurité critiquait André Leroy Gourhan il n'y a pas si longtemps. André Leroy Gourhan qui a mis pieds nus les préhistoriens. De fait, André Leroy Gourhan sacralise le site. On y rentre pieds nus et on fouille courbé, c'est bien ça ? Bah oui, à genoux. Oui, absolument. Alors il y a plusieurs lectures de ça. Hein. L'abbé Breuil, je disais tout à l'heure, et avec l'abbé Breuil, l'archéologue descend dans la tranchée. Jusque-là, il visite une fois par semaine le chantier qui est mené par des ouvriers, et les ouvriers lui rendent compte de la tenue du chantier. Là, il est dans le chantier, il relève les coupes stratigraphiques, etc. Ben, le roi Gouran, il s'incline, j'allais dire plus bas que terre, au plus près des vestiges les plus ténus de l'activité humaine pour cette dissection. Ça s'accompagne, oui, effectivement, d'une espèce de, moi je dirais, sacralisation, je dirais que c'est le respect dû à nos ancêtres. Hein. Il y a un rapport différent, désormais, qui s'instaure avec le vestige. Boris Valentin, vous parliez d'équipe. Le roi Gouran, c'est aussi avant tout un enseignant. Il forme une véritable génération. Oui, le roi Gouran, je m'interroge beaucoup là-dessus. Moi, je suis en fait la troisième génération. J'ai à peine connu le roi Gouran. Je suis arrivé à Pincevent en 1982. Je l'ai connu 4 ans à la fin de sa vie. Et sa santé était mauvaise. En fait, j'ai été formé par les élèves directs de le roi Gouran. Et donc, je m'intéresse beaucoup au mouvement qu'il a créé. Car je crois que c'est plus qu'une école, c'est un mouvement. Et en tant qu'enseignant, je m'intéresse évidemment aux formes de sa pédagogie, une pédagogie extrêmement fondée sur la pratique. Je pense que ça explique beaucoup du magnétisme qu'il a exercé sur toute une génération et sur des individualités fort différentes, depuis des grands intellectuels qui venaient se frotter à la matérialité jusqu'à des gens qui développaient des savoir-faire extraordinaires en matière d'ingénierie scientifique. Le roi Gouran fit école, le structuralisme de Lévi-Strauss eut une résonance planétaire, deux professeurs au Collège de France qui s'ignorent, semble-t-il. C'est ce que dit Lévi-Strauss dans le discours qu'il a prononcé lors du premier colloque un an après la mort de le roi Gouran. Il parle d'occasion ratée. Je crois, je n'ai pas du tout connu Lévi-Strauss. Je crois qu'ils étaient assez timides l'un et l'autre. Le roi Gouran était très timide. Le roi Gouran était peut-être même un peu complexé vis-à-vis de ses pairs, car lui n'avait pas suivi, il avait suivi cette voie très tortueuse de l'autodidacte. Lévi-Strauss, c'est la philosophie, hein, c'est une toute autre formation. Donc je pense qu'il y avait, de la part de le roi Gouran, une difficulté à approcher la plupart de ses collègues qui avaient suivi les voies académiques. Après, ce sont peut-être aussi des formes de magistère différentes. De toute façon, l'ethnologie, on le dit souvent, c'est un travail assez solitaire. L'archéologie préhistorique, c'est un travail très collectif, notion d'équipe. Voilà, deux hommes, deux styles, mais avec beaucoup de recouvrement dans la pensée qu'a exploré mon ami Frédéric Joulian récemment dans un article tout à fait intéressant qui montre comment l'un et l'autre se rejoignent finalement, intellectuellement. En 5 secondes, Boris Valentin, un fort magnétisme toujours d'actualité, André Leroy Gouran. Une aura qui reste. Hein, Boris Valentin, merci beaucoup. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar à la technique Pierrick Charles avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbon 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbon 14 évoquera le roi Gouran et l'art préhistorique avec Jean-Loïc Lequelec, préhistorien et mythologue.